Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Troisième épisode. Une colonie de savants. Ainsi Baruch Jorgel, le sinistre assassin du Crick sanglant, a réussi à prendre la fuite grâce à la complicité des mystérieux frères Cornelius et Fritz Kram. À l'heure qu'il est, si vos souvenirs sont bons, il a dû débarquer quelque part dans le vieux monde. Eh bien, abandonnons-nous aussi Jorgel City, la ville du célèbre milliardaire américain Fred Jorgel, le père de Baruch. Et revenons en France. En France, où nous allons faire la connaissance de nouveaux personnages de notre grand feuilleton d'aventure. Écoutez. Où sommes-nous ? Mais en Bretagne, voyons. À Quéritier, très exactement. Un petit port de pêcheurs que rien ne distinguerait d'autres petits ports de pêcheurs semblables de la côte bretonne. Ici. Quelle tempête, j'y vois vraiment rien. À peine si mes phares éclairent à 10 mètres. Ah, il est tard, André va encore s'inquiéter. Elle m'attend pour dîner, je n'y serai pas avant. Mais qu'est-ce qu'il y a donc au milieu de la route? Mais c'est un homme. Blessé. Et il a du sang partout. Est-il encore vivant? Oui. Oui, il respire encore, mais si je fais rien, il sera mort avant 2 heures. Là. Ah. Voilà. Voilà. Ben ça, il était tendu sur la banquette arrière. Ça devrait aller, mais il faut faire vite. Nous y sommes. Oh, mon père, vous voilà enfin. Comme j'étais inquiète. Mais qui est cet homme? Oh, il est mort. Non, mais il ne vaut guère mieux. Je l'ai trouvé sur la route et ma foi, je l'ai ramassé comme c'était mon devoir. Oh, tu as bien fait, père. Nous le soignerons. Bon, ben, préviens tout de suite Oscar qu'il prépare la chambre du premier. Et envoie-moi Yvonnec pour qu'il m'aide à le transporter là-haut. Allons, tranquille, pistolet, voyons. Allez, couchez. Oui, t'es un brave chien, là. Tu es content de revoir ton vieux maître, mais excuse-moi, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Viens, André. J'ai besoin de toi pour m'aider dans cette opération. Quelle nouvelle de notre blessé depuis hier soir? Alors, on ne peut pas dire qu'il aille mieux, mademoiselle André, mais enfin, on ne peut pas dire non plus qu'il aille plus mal. Ah, justement, voici votre père. Il vous en dira sûrement plus. Moi, je dois retourner près du blessé. Couchez. Voyons, pistolet. Allons, couchez. Ah. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, père. As-tu passé une bonne nuit? Très bonne. Alors, je prendrai bien mon petit déjeuner, moi. Mais notre blessé? Oh, rassure-toi, il est tiré d'affaire. Il n'a pas encore repris connaissance, mais ce n'est plus qu'une question d'heure. Ah, voilà Yvonnec avec le petit déjeuner. Eh bien, Yvonnec, pas trop fatigué ce matin? Bonjour, monsieur de Maubreuil. Enfin, on peut dire qu'il m'en a fait passer une drôle de nuit, votre blessé. Hein? Il n'a pas arrêté de causer. et même qu'on y comprend les gouttes. Pourquoi il délirait? Ah, je sais pas bien s'il délirait, mais pour sûr qu'il causait, dans une langue pas de chez nous. Ah, ça, effectivement, je l'ai entendu prononcer quelques mots, il doit être américain ou anglais. Ah, je me disais bien qu'il était pas de chez nous. Mais sauf le respect que je vous dois, il me plaît pas beaucoup, votre blessé. Non, mais voyons, Yvonnec, voyons, ce n'est pas parce qu'il est étranger. Ah, un pistolet non plus, il plaît pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que chaque fois qu'il passe devant sa porte, il gronde. Ah oui, mais les chiens sont comme les gens, Yvonnec. Ils se trompent quelquefois. Et ah, mais je vois Oscar qui fait de grands signes à la fenêtre du premier. Il se réveille, monsieur, venez vite! Non, ne bougez pas surtout, hein. Ne bougez pas, restez couché. Je vous ai ramassé hier soir sur la route. Vous aviez été poignardé et j'ai dû faire sur vous une petite opération. Ah oui, oui, je me rappelle vaguement. J'ai été attaqué. Mais je vous dois la vie. Oh, non, voyons, laissez ça. Je n'ai fait que mon devoir, voyons. Non, je l'oublierai jamais. Merci. Mais vous ne m'avez pas encore dit votre nom. Que je sache au moins comment s'appelle mon sauveur. Je me nomme Gaston de Maubreuil. Voici ma fille, André. Alors. Et ce jeune homme qui vous a veillé toute la nuit est notre ami Oscar Tournesol. Gaston de Maubreuil. Oui. Mais dites-moi, seriez-vous l'illustre chimiste à qui l'on doit la synthèse de la plupart des pierres précieuses? Moi, j'ai appris vos admirables découvertes par les revues scientifiques américaines. Non. Vraiment, je ne me savais pas si connu. Bon, mais si, vous l'êtes. J'ai même suivi passionnément tous vos travaux. Car moi aussi, je me suis beaucoup occupé de chimie. Ah bon? Eh ben, alors, je suis doublement heureux d'avoir sauvé la vie à un confrère. Mais serait-il indiscret de vous demander votre nom? Eh bien, je m'appelle Barrick Jorgel. Jorgel? Jorgel. Jorgel. Ce nom me dit quelque chose. Ah? Oui, en effet, mon père est un des milliardaires les plus célèbres d'Amérique et son nom est souvent cité. Malheureusement, je me suis brouillé avec lui. Bon, demain, hein, vous aurez tout le temps de nous raconter cela. Alors maintenant, j'exige que vous vous reposiez. Hein? Okay. À demain. Merci. À demain. Mais où as-tu entendu parler de ce nom de Jorgel, André? Mais je l'ai lu dans le dernier numéro de l'Illustration, père. Il y avait un reportage sur les fêtes donné par un milliardaire américain à l'occasion du 20e anniversaire de sa fille. Oui. Bon, eh bien, allons tout de suite dans la bibliothèque. Hein? Entre, ma fille. Voilà, comme cela, nous aurons plus de renseignements sur notre hôte. Ah, voilà. C'est dans ce numéro. Tiens, regarde. Double anniversaire en Amérique. Le milliardaire Fred Jorgel fête à la fois les 20 ans de sa fille et la première année de Jorgel City. Ah, et qu'est-ce qu'ils disent? Je te lis tout? Oui, non. Seulement ce qui concerne la famille de notre hôte, ils en parlent. Le milliardaire Fred Jorgel, milliardaire. C'est bien américain, ça. Ah. Écoute, d'abord, barman dans un train de luxe de la grande ligne du Pacifique. Égorgeur de porcs à Chicago. Mmh. Crieur de newspapers à Boston. Reporter, cow-boy, prospecteur, Fred Jorgel, grâce à son énergie, à son sens prodigieux des affaires, est d'échelon en échelon devenu assez rapidement un des rois du maïs, objet de commerce très important car il sert à la fabrication du whisky. Non, mais il n'y a pas d'autres détails. Si, si, attends. Voilà. On le dit fermé à toute expansion et à toute gaieté. Cette misanthropie est due à une série de malheurs qui l'ont frappé. D'abord, il a perdu sa femme qu'il adorait, et il est demeuré veuf après 3 ans de mariage. L'affection de sa fille, la charmante Isidora, lui apporte de précieuses consolations. Mais son fils, Paruk, lui cause les plus grands ennuis. Ah bon, mais quels ennuis? Je ne sais pas, c'est tout ce qu'ils disent. Mais cela ne m'étonne pas. Enfin, voyons, André, tu ne le connais pas. Je peux bien comprendre, moi, qu'un homme comme ce milliardaire puisse ne pas s'entendre avec un jeune savant. Non, vois-tu, ma petite fille, l'argent et la science sont incompatibles. Eh bien, mon cher Baruch, maintenant que vous voilà complètement guéri, que comptez-vous faire ? Bon, je l'ignore encore, maître. Je ne sais pas. Vous savez que les bandits qui m'ont attaqué sur la route m'ont dépouillé de tout ce que j'avais. Oui, écoutez, Baruch, je commence à me faire vieux. J'ai besoin d'un collaborateur, jeune, actif, aimant la science pour elle-même et grâce auquel je pourrais mener à bien le programme de découverte que je me suis tracé. Pourquoi ne seriez-vous pas ce collaborateur? Hein? Qu'en pensez-vous? Ce serait mon rêve le plus cher. Alors vous acceptez? Si j'accepte, travailler sous les ordres du plus grand chimiste de notre temps, c'est... Ah non, non, non, non, assez de compliments, c'est une chose que je déteste par-dessus tout. Non, allons plutôt rejoindre André dans le jardin, afin que je lui annonce la bonne nouvelle. Pardon. Mademoiselle André a l'air de bien s'amuser là-bas. Mais dites-moi, n'est-ce pas votre domestique qui est avec elle? Ah non, Oscar n'est pas un domestique, c'est presque un parent. Non, non. Non, en réalité, ce petit bossu qui répond au nom bizarre d'Oscar Tournesol est un enfant que nous avons trouvé un matin demi-mort de froid à la porte de la maison que j'habitais alors à Paris, qui est du Tournel, oui. Puis nous l'avons gardé, il a maintenant 16 ans. C'est un garçon très curieux, très, très intelligent, un vrai Gavroche. Eh bien, je suis curieux de voir ce phénomène de plus près. Ah, mais très bon. Eh bien, alors venez, venez, nous allons. Mais venez. Le S maintenant. Voilà. Ah, c'est pas croyable. Père, venez voir, c'est trop drôle. Oscar, tu as remarqué, c'est la première fois que Pistolet est hostile vis-à-vis de nos amis. Il n'aime peut-être pas les Américains, Miss André. Oui. Cela doit être l'explication. Mais qu'est-ce qui t'amusait donc, ma fille, hein? On t'entendait rire depuis la terrasse. Oh, mais Oscar a tout simplement appris à lire à Pistolet. Non, est-ce vrai, Oscar? Enfin, c'est impossible. Où as-tu trouvé une pareille idée? Bah, dans le journal, monsieur. Tenez, écoutez. Ouais. Un savant anglais, monsieur Newcombe, est arrivé à force de patience et d'ingéniosité à faire lire et comprendre un certain nombre de mots à son chien. Mais c'est pas possible. Voyez. Si, un griffon anglais d'une intelligence remarquable. Monsieur Newcombe a fait fabriquer un alphabet de bois, lettre mobile, et grâce à beaucoup de douceur et de morceaux de sucre, il est parvenu à associer dans la mémoire de l'animal à certaines idées, à certains mots. Oh, c'est très, très curieux, ça. Et tu as obtenu d'aussi bons résultats que ce savant anglais, avec Pistolet? Ah bah, vous allez voir. Là, regardez. Je dispose les lettres pêle-mêle sur le sable. Pistolet! Pistolet, que vas-tu manger ce soir à ton dîner? C'est pas vrai! Mais c'est vrai, voyons, mais il cherche une lettre avec sa patte. Regardez, un V, là. Ah, puis une autre, là. Oui. I. A. N. D. Encore un E. Mais voilà, mais viande, il a écrit viande. Oh non, c'est extraordinaire, ça. Mais bravo, bravo, Pistolet. Mais non, Pistolet, ce soir, tu mangeras pas de la viande, tu mangeras de la soupe. Eh ben, tous mes compliments, Oscar, tous mes compliments. Mais tu as dû J'ai dû te donner beaucoup de mal pour arriver à un pareil résultat. Hein? Oh non, pas tant que ça, monsieur. Non, il y a un peu plus d'un mois que je m'occupe de Pistolet. Je lui fais la classe que 2 fois par jour. Ah bon, et connaît-il beaucoup d'autres mots? Environ 7 ou 8, monsieur. Ah, ah, oh, ben il est temps d'aller dîner, hein? Ah, le dîner français. André, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Quel ton solennel, père. Et quelle est donc cette grande nouvelle? Aurais-tu enfin réussi à fabriquer des diamants? Ah non, non, non, pas encore. Mais justement, cela ne tardera pas grâce à l'aide de notre ami Baruch. Ah bon? Vous avez accepté de devenir le collaborateur de mon père? Oui, en effet, j'ai accepté ce grand honneur. En effet, c'est un honneur. Puisqu'il en est ainsi, je propose que nous allions demain rendre visite à mon ami Bondona. Il faut absolument que je lui présente mon nouveau collaborateur. Vous avez certainement entendu parler de mon ami Bondona, Baruch, n'est-ce pas? Oui, serait-ce le naturaliste Prosper Bondona? Voilà, ben lui-même, lui-même. Ah, je vois, oui. Il habite une villa à 500 mètres d'ici. Il y a installé un laboratoire unique en son genre. Et il y a fait venir ses 2 élèves les plus distingués, l'ingénieur Pagano et le botaniste Ravenel. Mais je serai enchanté de leur être présenté. Eh bien, nous irons demain, hein? D'ailleurs, je crois que ma fille ne sera pas fâchée de rendre visite à son ami l'ingénieur, n'est-ce pas, André? Oh, père, pourquoi me taquines-tu toujours? Monsieur Pagano serait-il... Père, cela ne regarde personne. Excusez-moi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je prends congé de vous maintenant. Je me sens un peu fatigué. Bonne nuit, cher maître. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle André. Bonne nuit. Tu es vraiment content, père? Mais bien sûr que je suis content, très content même. Mais pourquoi me poses-tu cette question, André? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu stupide de ma part, mais... Ne le trouves-tu pas un peu bizarre, parfois? Oh, enfin voyons, André. C'est bien naturel chez un homme qui a éprouvé les malheurs qu'il a subis. Pas trop fatigué, Baruch? Non, non, pas du tout, maître. Mais nous sommes presque arrivés. Voici la grille de la maison de Monsieur Bondona. Oh, il me semble que j'entre dans une fabrique de parfums. Mais vous ne vous trompez pas. Que voulez-vous dire? Bah, vous verrez, vous verrez, vous verrez. C'est un des prodiges de mon ami Bondona que j'aperçois. Tenez, d'ailleurs, là-bas. Voilà. Ah, ce monsieur aux cheveux blancs. Oui, c'est bien lui, c'est lui. Bondona! Bondona! Ah, Mowbray, tu tombes bien. Je suis ravi de te voir. Voilà donc enfin ce jeune Américain dont on parle dans tout le pays. Oui, eh bien, je te présente mon nouveau collaborateur, Baruch Yorgel. Et mon ami, Prosper Bondona. Très heureux. C'est un honneur pour moi de faire votre connaissance, maître. Eh bien, jeune homme, je suis ravi que vous soyez des nôtres. Je suis sûr que notre petite colonie vient de faire une précieuse acquisition. Ah, bonjour, André. Quelle surprise. Bonjour. Bonjour, monsieur de Mowbray. Bonjour, Frédéric. Frédéric, la fille de mon ami Bondona et monsieur Baruch Yorgel. Enchanté, mademoiselle. Venez, venez. Je vais vous faire visiter mes jardins. Venez, monsieur Yorgel. Ça en vaut la peine, je vous assure. Ce jardin est une véritable forêt vierge. Mais dites-moi, comment faites-vous pour faire pousser sous un climat comme celui-ci des bananiers, des cactus, des palmiers et même des baobabs? C'est vraiment de la magie, maître. Hein? Que dites-vous de ça? Bon, stupéfiant. Ah, c'est étonnant. Ah, oui, vraiment stupéfiant. Mais dites-moi, comment faites-vous pour éviter la rigueur des saisons? Mes plantes à moi se moquent des saisons, cher monsieur. Ah, c'est vraiment phénoménal. C'est étonnant. Mais dites-moi, maître, vous pourriez gagner des millions avec ces expériences. Ah, voilà une réflexion bien américaine. Time is money, n'est-ce pas? Time is money. Eh bien, voyez-vous, monsieur Jorgel, je n'ai pas cette façon de voir. Moi, j'aime la science pour elle-même. Mais je dois quand même reconnaître que d'ici peu, le résultat pratique sera grandiose. On pourra, avec une dépense insignifiante, faire produire aux champs et aux vergers 4, 5, 6 récoltes par an, et même davantage. Et la pauvreté, la misère et la faim seront bannies de notre terre. Tout le monde sera heureux, puisque toutes les choses nécessaires à la vie existeront avec une abondance dont rien dans le présent ne peut donner la moindre idée. Fantastique, vraiment. Et attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Venez, nous allons visiter les serres. Tu viens avec nous, Maubreuil? Ah, mais bien sûr, volontiers. Pardon, je vous en prie. Ah, voici notre ami Pagano qui va te montrer sa dernière invention. Mais qu'est-ce que c'est que cet appareil, Pagano? C'est un microphone pourvu d'un dispositif perfectionné qui permet d'enregistrer des bruits que l'oreille humaine elle-même serait incapable d'entendre. Ah, mais il me faut absolument un appareil comme ça pour mon laboratoire. Pourriez-vous m'en construire un, mon cher Pagano? Mais non seulement je peux, mais c'est fait, monsieur de Maubreuil. Comment? Et cette caisse que vous voyez là contient un appareil identique que j'ai construit pour vous. Oh. Et il est à votre disposition. Mais enfin, merci. Alors, merci mille fois, vraiment. J'enverrai Yvonnec le chercher aujourd'hui même. Monsieur Bondona! Monsieur Bondona. Oui, qu'y a-t-il, Ravenel? Il y a là un pêcheur qui veut absolument vous parler. À moi? Oui. Je me demande ce qu'il peut bien me vouloir, vu la piètre estime dans laquelle ces braves gens me tiennent. Oh, en piètre estime, vous, maître? Eh oui, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, cher monsieur Jorgel. Cette ville-là, de même d'ailleurs que celle de Maubreuil, passe pour un repère de détraqués, ou plutôt de sorciers. Mais oui, on est persuadé dans ce pays arriéré que nous sommes des suppôts de Satan. Alors, vous comprenez pourquoi je m'étonne. Mais c'est le père Yvon. Eh bien, père Yvon, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite? C'est-il pas que... Eh bien, père Yvon, est-ce que vous auriez peur de moi et de mon père? Nous nous connaissons bien tous les deux, non? Ah, ça pour sûr que je vous connais bien, mademoiselle Frédéric. Vous m'avez assez acheté de bar et de langoustes. Eh bien. Voilà, quand je pêche pas, je cultive mon clos. Mon blé, il est mûr et dame, il va faire un... Voyez-vous, un gros orage. C'est bien pour ça que je suis venu vous trouver à cette heure. Et que puis-je pour vous, père Yvon? Alors, père Yvon? Hein? Mais tu ne comprends pas? Hein, Bondona, c'est pourtant clair. Ce brave homme est persuadé que tu es sorcier, que tu fais à volonté la pluie et le beau temps, et il veut te demander de sauver sa moisson en écartant l'orage. Ben oui, c'est ça même. Ah ben ça, c'est trop drôle. C'est vrai qu'il va tomber une fameuse averse. Bon ben, je vais essayer de rejeter vers la mer ces gros nimbus noirs, mais je ne vous garantis pas le résultat. Ça va-t-il me coûter de l'argent? Ben non, pas un sou. Mais dépêchons-nous. Allez, tous à la falaise. Je ne comprends pas très bien. Qu'allez-vous faire? À quoi servent ces énormes tubes d'acier dressés vers le ciel? Ces tubes sont des canons paragraines, inventés par mon père. Et dont la puissance et le rayon d'action sont énormes. Ah bon? Alors si je comprends bien, vous allez livrer bataille à la tempête. Ah ben exactement, vous avez compris. Non, c'est grâce à cette artillerie pacifique que l'ami Bondona maintient dans ses jardins un climat spécial. Ah ben, je vois. Assez discuté. Il n'y a pas de temps à perdre. Pagano, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Alors, feu! Feu! Feu! Voilà, c'est tout, c'est quoi? Feu! Feu! Vous voyez, les nuages s'éloignent. Et regardez, ce gros cumulus noir, il s'enfuit vers le large comme s'il était poursuivi par le diable. Il n'y a plus un seul nuage au-dessus de Kériti. Bravo! Bravo, cher père, tu as encore gagné. Regarde, même le vent est tombé. Nous avons gagné la bataille. Et sans nous donner beaucoup de mal. Eh bien, père Yvon, que pensez-vous de tout ça? Ben, je dirais que c'est de la bonne sorcellerie. Mais non, père Yvon, il n'y a aucune diablerie dans tout ce que vous venez de voir. Je n'ai employé aucun autre moyen pour mettre en fuite les nuages que l'ébranlement causé par le choc des détonations. Mais vous, vous ne me croyez pas. Ben, ça ne fait rien, allez. Rentrez vite, engrangez votre moisson. Je suis vraiment stupéfait par toutes ces découvertes. Je vous remercie de votre confiance à tous. Notre confiance ? Mais oui. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais m'emparer de vos secrets, je pourrais... Mais ce ne sont pas des secrets, voyons. Les résultats de nos expériences appartiennent à tout le monde. Mais en Amérique, on pourrait vendre chacune de vos découvertes au moins $1,000,000 à n'importe quelle trace. Eh bien, je me demande combien de millions de dollars offriraient vos capitalistes yankees à mon ami de Maubreuil pour empêcher la découverte qu'il est sur le point de faire. Empêcher une découverte? Eh bien... Mais de quoi s'agit-il donc? Mon cher Baruch... Si mes calculs sont exacts, nous allons réussir ensemble à fabriquer artificiellement de véritables diamants, à côté desquels le Koh-i-Noor aura l'air d'un tout petit caillou. Ainsi, nous avons retrouvé Baruch Yorgel. Mais quel changement! Qui reconnaîtrait le sinistre assassin du Creek sanglant sous les traits de ce jeune savant enthousiaste et respectueux. À partir de maintenant, nous entrons dans la grande aventure de la science. Quelles extraordinaires découvertes nos savants nous préparent-ils? Maubreuil réussira-t-il son expérience sur la synthèse du diamant? Pourquoi André est-elle si réservée à l'égard de Baruch? Eh bien, vous le saurez en continuant d'écouter notre grand feuilleton d'aventure, de mystère, d'amour, peut-être, mais de science, sûrement, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le manoir au diamant. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Loria d'après le roman de Gustave Le Rouge. Troisième épisode, une colonie de savants. Avec Guy Tréjean, Maya Simon, William Corinne, Jean-Pierre Joris, Jean Vienner, Catherine Laborde, Pierre Constant, Gilles Guillot, Jean Martin, Gaëtan Jor, Paul Bisiglia. Chef opérateur du son, Bernard Charon. Collaboration technique, Noélie Louis-Marie. Assistante, Brigitte Bouvier. Réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 28 décembre 1977. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.